Le hip-hop pour moi, ça m'a changé la vie. Ça m'a permis de combattre mes démons, c'est maladif. Chaque jour ça sombre, je peaufine, je passe des messages. Je remonte la pente, je paie avec mon mental. Ça pète à la pelle, hein, ça t'écrase la pièce. Toujours les mêmes, toi, moi, hey, c'est plus la peine. Le discours me parasite, ça n'empêche, j'écris des titres. Est-ce que ça me suffit si ma mif me félicite? On veut toujours plus, l'humain souvent déçu. Pourtant je bosse au studio, j'écris, décris ma vie. Je passais mon temps à me plaindre, mais sur ça sans le vécu. J'arrive avec ces titres, me prouver que j'existe. Je suis donc je vis, j'existe donc je prie. Je maîtrise la musique, quand j'écris c'est la nuit. Je me sens comme un gosse perdu entre sol et mi. Plus dur est ton parcours quand t'es ton seul ennemi. Vois-tu la vie qu'on mène et les batailles qu'on a menées? Pour elle j'ai pris perpète les pieds et les deux mains liées. Pour la musique est mienne ancrée dans ma réalité. Je l'aime autant que la déteste, sans elle je serai plus entier. Vois-tu la vie qu'on mène et les batailles qu'on a menées? Pour elle j'ai pris perpète les pieds et les deux mains liées. Pour la musique est mienne ancrée dans ma réalité. Je l'aime autant que je la déteste, sans elle je serai plus entier. Depuis l'époque de mes 12 piges en Inde, je garde le mort. Enchaîne les albums et concerts sans le budget des majors. J'aurais tout fait avec le cœur, j'ai mis mon âme et du corps. Mais avant de goûter le meilleur, faut vivre l'enfer du décor. Des nuits à me péter sur des prods à rechercher la rime parfaite. En attendant le succès, demain j'irai griller des steaks avant de me griller la cervelle avec des rêves utopiques. Hey yo, regarde la vie qu'on mène entre le réel et fantastique. Pas sûr qu'au fond du disque dur se trouve un putain disque d'or. Car ça n'est que je frappe dur et toi bâtard, tu dis que je dors. J'avance quotidiennement, mais je t'avouerai, je suis du père. Être un bon pote, un bon mari et bientôt être un bon père. Pas facile de garder le cap auto, mais je reste solide. Je te mens pas, des fois le cœur craque, ma gueule demande à solide. Entre vraie vie et vie d'artiste, dans mes deux bulles, je suis cloîtré. Nico l'auteur de son art triste et de ses rêves inachevés. Vois-tu la vie qu'on mène et les batailles qu'on a menées? Pour elle j'ai pris perpète les pieds et les deux mains liées. Pour la musique qui mène ancrée dans ma réalité. Je l'aime autant que la déteste, sans elle je serai plus entier. Vois-tu la vie qu'on mène et les batailles qu'on a menées? Pour elle j'ai pris perpète les pieds et les deux mains liées. Pour la musique qui mène ancrée dans ma réalité. Je l'aime autant que la déteste, sans elle je serai plus entier.